18h02 minutes au studio de la radio Isanganiro. Bienvenue, chers auditeurs, à ce journal dont voici les grands titres. Ils craignent les dégâts qui pourraient être occasionnés par la rivière Tchadi. Ils sont les habitants du quartier Ouinerekwa de la zone Guirocha en mairie de Bujumbura qui déplorent l'agrandissement continu des berges de cette rivière qui les menace. Dans ce journal, vous suivrez les doléances de ces habitants. Et une peine de 5 ans de prison est la peine requise par le substitut du procureur à l'endroit du président du comité de la cantine scolaire à l'école fondamentale de Rugero 1 dans un procès de flagrance ce dimanche. Il est accusé avec le chef de colline Rugero 1 de vol qualifié des vivres destinés à l'alimentation scolaire de l'école fondamentale Rugero 1 de la commune et province Kirundo. Et la radio Isanganiro fête ses 21 ans ce samedi 18 novembre. L'ancienne journaliste et chef des programmes à cette radio, Amandine Inamahoro, apprécie la façon dont ce média continue à fournir en temps réel les informations et à prospérer en créant même la télévision. Voilà pour les grands titres, les détails, c'est dans un instant. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Encore une fois, bienvenue au micro. Vous êtes avec Odanda Ishimiye. François Akimana assure la mise en onde. Des habitants du quartier Ouinerekwa, proche de la rivière Tchadi, en zone Guirocha, disent qu'ils vivent dans la peur d'autres dégâts qui pourraient être occasionnés par cette rivière dans cette saison pluvieuse. Ils déplorent l'agrandissement continu des berges de cette rivière. Ils demandent aux autorités habilitées de protéger cette rivière, surtout maintenant que l'Idjebou a déjà annoncé qu'il y aura de très fortes pluies. Nous reviendrons sur cette information. Un nouvel abattoir est en construction en zone Muzinda de la commune Rugadi en province Bubanza, en remplacement de celui situé à Bujumbura. Hubert Mbabadi, directeur général de cette œuvre, en même temps dirigeant de l'association chargée de sa gestion, annonce la fin des travaux pour fin décembre de cette année. Après près de 8 ans d'activité, l'administration en zone Muzinda espère plus de recettes provenant de cet abattoir ainsi que la création de l'emploi pour les locaux. Des habitants de cette zone estiment que le prix de la viande sera désormais abordable. Mireille Kanyang. Cet abattoir a été érigé sur la route numéro 9 Bujumbura-Bubanza, juste après avoir traversé la rivière Muzazi, côté droit, c'est à 15 km de Bujumbura. Après avoir franchi le portail, l'on voit un grand bâtiment tout droit et une autre construction à droite. À l'intérieur de ce grand bâtiment, l'on voit des machines, plusieurs appareils destinés à cet abattoir. Un congélateur a été construit et un autre en attente. Chèvres et moutons seront reçus d'un côté, les vaches de l'autre et les porcs dans l'autre bâtiment. En plus de ces pièces métalliques, l'on voit des canalisations cheminant vers 3 endroits aménagés dans cette parcelle, des puits prévus pour stocker et filtrer des eaux usées. L'érection de cet abattoir à Muzinda a été motivée par la vétusté des bâtiments de celui de Bujumbura, selon Hubert Mbabadi, directeur général de l'association de gestion de l'abattoir de Bujumbura. L'abattoir se trouve en plein quartier résidentiel. Tout autour de l'abattoir, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a une route, un boulevard très fréquenté. Et puis, il y a un impact environnemental très, très difficilement supportable par les voisins. Ça, c'est la principale raison, mais il y a autre chose, c'est que cet abattoir, comme vous le voyez, c'est un abattoir absolument obsolète. Sur le plan des bâtiments, vous voyez que ce sont des vieux bâtiments, sous-équipés. Les travaux ont débuté en 2018 suite à de longues procédures administratives, dit-il. Interrogé sur une probable diminution des recettes à Muzinda par rapport à Bujumbura, il fait savoir que si la route nationale numéro 9 était réhabilitée, cela ne causerait pas de soucis. Bien sûr, les premiers jours, cela va être difficile, mais nous allons travailler avec l'administration, nous allons travailler aussi avec nos clients. essayer d'expliquer la nécessité de déménager de ce côté-là. Je crois qu'ils vont comprendre. Et de toutes les façons, si vous avez vu que ce n'est pas très loin de la ville, malheureusement pour le moment, la route qui mène jusqu'à cet endroit-là est vraiment très mauvaise. Il sera très difficile pour nous et pour nos clients de se rendre là-bas. Mais je crois que sur ce point-là, les services de l'État concernés sont en train de faire quelque chose. Au sein de l'administration à Muzinda, Ansen Yonguru, chef de zone, espère que les caisses communales de Rugazi seront renflouées. Nous sommes très très fiers d'avoir ce projet d'abattoir national érigé dans notre zone parce que ça va nous amener beaucoup des impôts, des taxes au niveau de la commune pour quand même développer notre zone dans les travaux de développement communautaire. Et aussi, nos jeunes chômeurs vont bénéficier des travaux pour qu'ils puissent se développer. Des habitants de cette zone pensent déjà à une diminution du prix de la viande, comme le dit Mireille Irakoze, habitant et travaillant près de cette infrastructure dont la fin des travaux est prévue pour fin décembre de cette année. L'abattoir de Bujumbura a été construit en 1960 avec une capacité d'abattage de 100 bovins en moyenne par jour. Merci Mireille Kanyange. L'administrateur de la commune Bubanza, dans la province Bubanza, a été destitué de ses fonctions ce dimanche par le conseil communal. Olive Nyonguru est accusé de corruption et détournement des fonds publics, d'incompétence et d'autres fautes graves, comme cela se remarque dans la lettre d'invitation du conseil communal signée par le président de ce conseil, Gervain Daïdzeye. Les détails, c'est dans ce reportage de Space Caritas Cabanyan. Après la réunion du conseil communal de Bubanza dans l'après-midi de ce dimanche, tenue à Bubanza même, les participants ont approuvé à l'unanimité la destitution et la démission de l'administrateur de la commune Bubanza, Olive Nyonguru. La lettre numéro 531.01 du 11 novembre 2023, signée par le président du conseil communal Daïsseye Gervais et invitant le conseil communal à se réunir ce dimanche, montre certaines fautes accusées à cette femme qui était à la tête de la commune Bubanza depuis 2020. Et c'est notamment l'incompétence, la corruption et le détournement des fonds publics, ainsi que des fautes graves, comme ça se voit dans cette lettre. L'administrateur de la commune Bubanza est le deuxième administrateur destitué dans cette province depuis les élections de 2020, après celui de la commune Musigati, démis de ses fonctions l'année dernière. Et l'intérim en commune Bubanza va être assuré par le secrétaire exécutif permanent de la commune Bubanza, comme ça a été décidé dans cette réunion du conseil communal. Pescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 18h10, ce journal se poursuit. La radio Isanganiro fête ses 21 ans ce samedi 18 novembre. L'ancienne journaliste et chef des programmes à cette radio, Amandine Inamahoro, apprécie la façon dont ce média continue à fournir en temps réel les informations et à prospérer en créant même une télévision. Elle interpelle la radio Isanganiro à atteindre un niveau encore plus élevé de professionnalisme et de management pour toujours suivre les besoins de la population. Suivez-la. En ce moment, on ne peut qu'apprécier les prestations de la radio Isanganiro. C'est une radio privée qui est venue innover par sa ligne éditoriale qui était de concilier toutes les divergences, d'amener la population à apprécier les divergences de points de vue autour d'une table. Ça, c'est quelque chose que l'on doit apprécier. C'est aussi une radio qui a pu continuer à grandir tout en s'alignant aux nouvelles technologies et tout en répondant aux exigences du contexte aussi bien national qu'international. On a vu la radio Isanganiro créer une télévision, ce qui est très important pour pouvoir toucher une autre catégorie de la population. C'est aussi une radio qui a essayé et continue à essayer de se positionner sur les réseaux sociaux. C'est aussi une radio que nous apprécions parce qu'elle est parmi les radios qui sont très suivies au Burundi. On l'a vu de par les études d'audience qui ont été menées très récemment. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'appréciable parce que c'est une radio qui a su se positionner. C'est aussi une radio qui est en train train de tracer sa voie comme une radio qui veut être une radio pionnière. Pionnière pour servir de modèle pour les autres radios qui sont en train de naître ou qui naîtront beaucoup plus tard. Maintenant, ce que l'on demanderait, l'on souhaiterait, disons, à la radio Isanganiro, c'est qu'elle continue à briller. Qu'elle continue vraiment à nous épater de par ses prestations et qu'elle continue à marquer son professionnalisme et à l'améliorer s'il le faut. Et on sait que, tout comme les autres entreprises du pays, la radio a certainement connu des difficultés, que ce soit des difficultés surtout économiques. On ne peut que souhaiter que la radio soit une entreprise stable, stable économiquement et indépendante économiquement, qui a des ressources pour pouvoir maintenir une équipe de journalistes vraiment compétents. Et on veut aussi souhaiter que la radio Isanganiro puisse cette année ou l'année prochaine atteindre un niveau encore plus élevé, d'un niveau de professionnalisme, mais aussi un niveau de management vraiment élevé et exemplaire par rapport à d'autres radio. Une peine de 5 ans de prison et la peine demandée par le substitut du procureur pour le président du comité de la cantine scolaire à l'école fondamentale de Ruggero 1 dans un procès de flagrance ce dimanche. Parmi les autres co-accusés, le chef de colline Ruggero 1 qui a été puni d'une peine de 2 ans et 6 mois. Les deux hommes sont accusés de vol qualifié des vivres destinés à l'alimentation scolaire de l'école fondamentale Ruggero 1 de la commune et province Lumonge, Kirundo plutôt. Il nie toutes les accusations et demande d'être acquitté. Quant au directeur et le maître de cette école, ils ont été acquittés. Ce sont des informations qui ont été fournies par Agnès Naomagadzi. Et la Radio Isanganiro, chronique sport. À la page sportive, la Fédération burundaise de volleyball trouve que les équipes participantes au tournoi dédié aux héros nationaux devraient s'organiser avant dans le but de montrer un jeu de qualité aux spectateurs qui viennent assister à ces matchs. David Bigirimana, secrétaire général au sein de cette fédération, dit qu'ils sont en train de s'inspirer des tournois internationaux pour la promotion du volleyball au Burundi. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ngendakouman. L'organisation du tournoi de volleyball du Dieu aux héros nationaux n'enregistre pas des irrégularités particulières, sauf l'effectif de 17 équipes participantes qui est encore peu, affirme David Bigirimana, secrétaire de la Fédération burundaise de volleyball. Il ajoute que la fédération essaie d'utiliser ses propres moyens pour payer ce tournoi. On n'a pas de problème particulier dans l'organisation et évidemment ça demande beaucoup de moyens et la fédération essaie de satisfaire dans la limite de ses moyens, évidemment, pour au moins payer le nécessaire. Sinon, il n'y a pas de problème particulier. Les équipes vainqueurs de ce tournoi décrochent les différents prix, même s'ils ne précisent pas les sommes d'argent obtenues. Évidemment, comme c'est un tournoi, il y a toujours des prix qui sont distribués. Et bien entendu, les coupes. Les premières équipes ont des coupes aussi. Les trois premières équipes reçoivent aussi des enveloppes. Des enveloppes un peu encouragées, évidemment, les primés et les trois premières équipes. Le secrétaire général de la Fédération burundaise de volleyball indique que certaines équipes, surtout celles de l'association de volleyball amateur de Bujumbura, AVAB en cycle, ont commencé à acheter les joueurs qui évoluent dans les championnats internationaux qui ont un niveau supérieur aux équipes locales. La fédération est satisfaite, d'autant plus que ce qu'on a déjà remarqué, c'est que y a la plupart des équipes de Bujumbura commencent à se renforcer par des joueurs en provenance de l'extérieur et ces joueurs en provenance de l'extérieur ont un niveau plus ou moins supérieur au nôtre, et ce qui fait que franchement on observe qu'il y a de bons spectacles pendant ces compétitions. Pour mieux organiser ce tournoi, David Bigirimana conseille aux responsables des équipes de préparer sérieusement leurs équipes et aux arbitres de bien se comporter pendant les compétitions. On conseillerait aussi aux différents responsables des équipes de préparer sérieusement leurs équipes aux joueurs de se préparer techniquement et aux arbitres aussi de bien officier. Quant aux amateurs de volleyball, il leur demande de venir massivement assister au match de la Coupe des Héros dans le but de soutenir les joueurs. Un regard particulier aux spectateurs, je vous dirais que le volleyball commence à intéresser beaucoup de gens. On remarque sur le terrain que beaucoup de spectateurs viennent pour voir le spectacle qu'on leur offre. La première édition de la Coupe des Héros Nationaux à la mémoire du président Louis Guagasso, le héros de l'indépendance nationale, et président Melchior Ndadaye, héros de la démocratie, s'est déroulée en 2020 au terrain de volleyball se trouvant dans la commune Mutaho de la province Gitega. Côté féminin, c'est la formation militaire de Muzinga qui a été sacrée championne après avoir battu JLC Gender Light Club sur un score de 3-7-0 au moment où, côté masculin, l'équipe policière de Lukinzo avait éliminé Gakos. Si le score de 3-7-2. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour sa parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Oda Ndaishimiye. Bonne suite des programmes avec la radio Isanganiro.